corps mort par nous, Père, soit pour nous, par le souci de la terre, par la convoitise de Dieu, par l'orgueil de la vie, Seigneur. Que nos cœurs ne se troublent point, que nos cœurs ne s'alarment, que nos cœurs ne se lamentent point, que nos cœurs qui sont forts, qui sont fermes, qui croient toujours, quelles que soient les situations, ces cœurs qui croient, même quand on nous condamne, même quand on dit qu'on est fou, donne-nous ce cœur qui s'attache à ta parole, qui s'attache à toi, qui s'attache à nos vies de sanctification. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Mets ce saut en nous, Père. Mets ce saut en nous, Seigneur, qui nous donne la force de marcher dans la puissance, qui nous donne la force de marcher dans la vérité. Pour ce saut du Saint-Esprit, qui témoigne dans notre esprit la voie à suivre, qui témoigne dans notre esprit les instructions à suivre, Seigneur. Alléluia, donne-nous ce cœur, Seigneur. Ce cœur, Père, ce cœur, nous avons besoin de ce cœur, Seigneur. Donne-nous ce cœur, Seigneur, ce cœur dont toi seul tu peux donner, Père. Remplis ce cœur, Père, donne-nous ce cœur. Ce cœur qui peut aimer nos ennemis. Ce cœur qui peut prier pour ceux qui nous persécutent. Ce cœur qui peut prier pour ceux qui nous persécutent. Qui peut aimer nos ennemis, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui peut aimer ceux qui se moquent de nous. Donne-nous ce cœur qui peut aider ceux qui sont démunis. Qui peut avoir la compassion de ceux qui sont dans la douleur. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Ce cœur selon toi, Père. La Bible dit que quand tu arrivais quelque part, Seigneur, tu étais ému de compassion, Seigneur. Nous voulons ce cœur qui est en toi, Seigneur. Mets-le en nous, Seigneur. Ce cœur qui est en toi, Seigneur. Mets-le en nous, Seigneur. Pour répandre ton amour, pour répandre ta compassion, Seigneur. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Nous réclamons ce cœur qui est toujours dans la joie. Malgré les épreuves, malgré les douleurs, Seigneur, donne-nous ton cœur, Seigneur, qui se réjouit en ta présence, qui se réjouit parce que nous sommes enfants de Dieu, qui se réjouit parce que nous connaissons ton nom, qui se réjouit parce que nous savons que tu es notre Père. Mais donne-nous ce cœur qui ne se trouve pas. Que ta larme en toi, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui n'est pas en larmes, mais ce cœur qui est dans la joie, même quand tout va mal. Père, donne-nous ce cœur, Jésus. Donne-nous ce cœur. Ce cœur que toi seul tu peux donner pour marcher dans la sanctification, pour marcher dans la vérité, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui pardonne l'offense. Qui pardonne l'offense facilement. Donne-nous ce cœur qui ne tient pas à cœur tout ce qui est dit de nous, Seigneur. Qui n'est pas à cœur tout ce qui, toutes les flèches, toutes les méchancetés qui sont prononcées contre nous, Seigneur. Donne-nous ce cœur qui peut pardonner, même quand on est crucifié, Seigneur. Ce cœur que tu as donné à Étienne, quand il était lapidé, il a dit, Père, ne nous impute pas ce péché. Donne-nous ce cœur, Seigneur, qui pardonne ceux qui nous persécutent, qui pardonne ceux qui nous haïssent. Qui pardonne ce qui nous fait mal, Seigneur. Donne-nous ce cœur. Donne-nous ce cœur, Jésus. Nous sommes tous dans ta grâce. Donne-nous ce cœur. Donne-nous ce cœur. Ta présence ouvre mon âme. Sainteté, bonsoir. Bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Amen. Donc, mon frère particulier, mon frère Josué. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Alors, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Amen. Amen. Amen. Le frère Yannick, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. La sœur Marie-José, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Bonsoir. Il ne sait pas pourquoi il y a ce retour là. La sœur, le frère Serge Neto, bonsoir. Bonsoir, frère Julien. Comment va madame? Madame, pardon, mon frère. Elle va très bien, frère Julien. Elle dort déjà. Elle est couchée déjà. Je l'appelle? Non. On va parler lorsqu'on va se rencontrer à deux, d'accord? Ok. Je crois que. Le frère Benjenit, je vois pas la photo de le frère Benjenit. Le frère Benjenit n'a pas ouvert sa vidéo, encore moins le frère Yaya Lévi. Le frère Valérie, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, frère Junior. Beaucoup de présence chez toi, n'est-ce pas? La présence. Je passe du frère. Beaucoup de présence chez toi. Tu peux voir la différence dans la présence, dans l'adoration, non? Oui. Je ne sais pas pourquoi il y a ce... Je crois que c'est le frère. Je crois que c'est le... Soit c'est le micro de la soeur José Perret qui fait, ou bien c'est le micro de la du frère Étienne. Je ne sais pas si c'est... parce qu'il y a un retour là, ça grisouille. Frère Étienne, d'ailleurs, ferme ton micro, on voit et le frère Valérie parle. Vas-y, vas-y, maintenant, frère Valérie. Oui, frère. Voilà, là c'est bon. Mm-hmm. Donc je disais que la présence chez toi, dans, c'est bien dans l'adoration, non? Oui, c'est bien, frère. Comment tu te sens alors? Ah, je me sens bien, on rend grâce à Dieu. Je profite de l'occasion pour vous dévancer quelqu'un qui pourrait imiter mes paroles ce soir pour vous dire que je vous aime très fort. Est-ce que le frère Guyane vous a déjà dit ça? Nous vous aimons aussi, frère. Il n'a pas encore. Non, pour aujourd'hui, il n'a pas plagié. Il n'a voilà, pas plagié aujourd'hui. Voilà, donc je l'ai dévancé avant qu'il ne dise ça ce soir que c'est lui qui a dit qu'il vous aime. Le frère Yacine, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Toujours calme dans ton coin. Égal à toi, mais n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse vraiment. La sœur Rosalie, tout naturellement. Bonsoir. Je m'excuse d'être venu. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir, ma sœur. Tu vas très bien? Oui, mon frère, par la grâce du Seigneur. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Dernière fois, j'ai essayé de me connecter chez vous, fatigué, ça n'a pas pu se connecter. Et puis, la connexion dérangeait. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu sois parmi nous. Non, je venais juste seulement vous demander si vous pouvez me donner un peu de votre huile. On en a pour tout le monde. Ok, donc pour nous, c'est le frère. Le frère Richard, bonsoir. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Beaucoup de courage aussi, d'accord, frère? Merci, mon frère. Beaucoup de courage, particulièrement parce que par rapport à ce qui vient d'arriver, je crois qu'il faut que le Seigneur te prépare une échéance futuriste de... Je ne sais pas si le moment est bon pour parler de ceci. En tout cas, même s'il y a n'importe quoi qui arrive, c'est quelque chose qui vient, vous savez, quand la voiture est déroulée quelque part, et puis subitement, ça amorce dans les endroits, zones de turbulence où il y a les routes qui étaient imprévues, les routes qui ne sont pas... initialement, la route est douce et bonne. Et à un moment donné, donc, il y a des exactions sur la route et la voiture est obligée de passer par là. Et la voiture entre à l'intérieur. Donc, quand il y a les secousses, soyez sûr que ces secousses sont faites pour fortifier parce que la route ne finit pas avec les secousses. Après cela, il y a la route encore bien goudonnée. D'accord, frère? Je crois que c'est mieux qu'ils mettent ça de cette façon-ci. Amen. Merci, Père, de m'avoir donné le langage. Voilà. Le frère Benjenet. Bonsoir. Bonsoir, frère. Le frère Richard est responsable de ce qu'il a entendu. Moi, je suis responsable de ce qu'il dit là, n'est-ce pas? Amen. Il passait seulement. Oui. Le problème, ça dépend seulement de la grandeur des secousses. Mais sauf que si tu roules toujours aussi calmement, sans jamais avoir de secousses, ça aussi, c'est inquiétant. Oui, c'est pour cela qu'il dit que ces secousses ont pour but de conduire véritablement sur la voie plus droite devant. Mais il faut que les secousses arrivent. D'accord? Mais aujourd'hui, j'ai une grande famille, donc je sais que le Seigneur est devant. Oui, oui. Et là. L'armée aussi avec moi. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Merveilleux. Merveilleux. Amen. Les secousses, it is inside. C'est à l'intérieur, d'accord? Amen. C'est à l'intérieur. Donc, prépare-toi. Prépare-toi quand ça va venir. Les saints vont s'élever. En tout cas, quand tu prépares cela, mais tu dois passer par là. Amen. Donc, j'ai dû quitter les femmes là pour venir vous prendre un peu d'huile chez vous avant de retourner là-bas. Mais vous comprenez les enjeux, n'est-ce pas? Parce que votre continent sera secoué. En tout cas, nulle part, personne ne sera tranquille. Vous saviez ça au moins. Ça sera secoué. Dieu est en train d'utiliser ses moyens à lui pour faire venir les gens d'une façon ou d'une autre. Et des gens qui subissent les coups. Vous savez, les gens subissent les coups. Quelque chose arrive, tu te demandes pourquoi ça arrive. Dieu dit, je t'ai eu. tu pousses l'âme maintenant. Quand tu t'assois tranquillement, tu commences à comprendre que la seule façon de faire finalement, c'est d'aller vers Jésus. Le Seigneur est puissant, je vous dis. La sœur Carole Châtelon, bonsoir et bienvenue. Shalom, mon bien-aimé. Shalom, mes frères et sœurs. Ça fait longtemps, on ne s'est jamais vu, n'est-ce pas? On s'est vu la dernière fois, mon bien-aimé. Il y a encore quelqu'un qui s'est connecté ici tout à l'heure, là. On s'est même vu tout à l'heure. Tout à l'heure. Moi, je t'ai pas vu, tu m'as vu. Chacun sort dans un groupe, vous savez, on se promet seulement chaque soir, maintenant les gens, quand ils finissent ici, chacun attrape ici, ils attrapent ici. C'est fort. Pendant que quelqu'un est quand quelqu'un est dans le groupe, ça chauffe quelque part. On lance un autre groupe, il écrit que j'arrive, ma soeur, ça chauffe pas ici. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ça montre. Il faut prendre de l'eau, frère. Il faut prendre de l'eau. Oui, ça montre que nous avons soif de Dieu. Soif de Dieu. Et je vous suis travailler chaque fois. Je vous suis et je vous vois travailler. Puisse le Seigneur exaucer notre prière. Et il l'exaucera parce que telle est sa volonté. Il l'exaucera. Il l'exaucera. Qu'il continue seulement à nous nettoyer. Le moment viendra où ce sera du passé. Maintenant, on sera là seulement pour dire maintenant, nous chantons Alléluia, prêt à entrer. Et quand on entrait, souvenez-vous de ceci, c'est lorsque les Juifs étaient en Égypte, ils criaient, Seigneur, fais-nous sortir, fais-nous sortir. Quand ils vont faire sortir de l'Égypte, ils sont passés par des moments de test. Le moment de test, c'était des cris. Pourquoi nous sommes sortis? Pourquoi nous sommes sortis alors que c'est mauvais moment comme ça là? Pour entrer, c'était un autre problème. Vous voyez, pour sortir, c'est un problème. Résister à l'intérieur de quoi, du désert, c'est un problème. Entrer, c'est encore notre paire de manches. Là, nous avons vu des enfants nanak. On ne peut pas entrer, prendre ce pays ici. Quelle difficulté. Pourtant, la promesse est là. La promesse tient toujours. Vous voyez cela? Quand ils y entrent maintenant, écoutez bien. Quand on entre, c'est là où il faut défendre le vrai territoire. C'est là où ça devient intéressant. C'est là où tous les lampions sont braqués sur toi pour dire celui-ci est définitivement perdu d'avance pour nous, contre notre royaume. Alors, il faut qu'on en découvre avec lui sur la terre pour le reste du temps qui va lui rester à vivre ici. Donc, souvenez-vous, c'est pourquoi nous sommes nés de prier. Quand vous priez pour avoir l'huile, c'est pour briller. Et nous brillons dans un monde de ténèbres. Et quand un bandit qui se trouve dans l'obscurité n'aimerait pas qu'on éclaire la lumière sur lui. Parce que plusieurs personnes remplies du Saint-Esprit sur la terre, ça veut dire que c'est la confrontation directe ici, face à face avec Lucifer. Donc préparez-vous-en. Ceci va amener des tribulations. En tout cas, vous pouvez voir les secousses de part et d'autre là-bas. Les royaumes et des rois de la terre qui avaient hermétiquement fermé le christianisme en disant qu'on ne peut pas traverser, ça va passer maintenant, ça va casser. Et notre corps va pouvoir subir les chocs. Attendez, un de ces jours, vous allez voir avec les homosexuels. Vous allez confronter, vous allez voir, sans vouloir. Allemande de la sainteté, bonsoir. Je crois que c'est mieux que je vous laisse prier. Continue dans la prière. Je me balade comme ça de maison en maison pour saluer les gens, tout simplement. Oui. Par rapport à mon épouse, tu crois que c'est le micro qui n'est pas bien? C'est parce que le frère a branché chez lui là. Qu'est-ce que tu as branché chez toi, frère? Rien du tout, hein. Mais pourquoi c'est retour là? Je me suis maintenant bien. 5 sur 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as encore fait maintenant? Moi, je demandais par rapport à ce que tu as fait à mon épouse. Il va falloir peut-être contacter bien comment. Je me posais la question parce que lorsque j'étais salué, je me posais la question sur le background de ton époux concernant la vie chrétienne. Il y a un background qui n'est pas bon là-dedans. C'est de ça dont je voulais parler. Tu me vois? Je te vois très bien. Quand je parle ainsi, tu sais de quoi je suis en train de parler? Je vois un peu. Non, ne vois pas un peu, tu dois voir. Parce que tu peux voir un peu que c'est pas ça. Donc si tu ne vois pas un peu, tu dis j'avance pour pouvoir bien éclaircir cela. Je vais d'avancer. Il y a une maison construite avec la pierre. Je vois ce style de pierre-ci. Mais je pense pas que c'est la peinture parce que cette pierre-ci est noire. Mais il y a beaucoup de noir là-dessus et entre les pierres, c'est blanc, ondulé. Okay. Tu me suis, mon frère? Il y a une cérémonie qui se passe dedans. D'accord? Ça, c'est une cérémonie religieuse. Une cérémonie religieuse? Religieuse. Ce n'est pas une cérémonie païenne, c'est religieuse. Ça, c'est religieuse. Ce n'est pas quelque chose de. Enfin, sur le plan. Ce n'est pas ce qu'on peut dire que c'est mauvais, mais c'est religieuse. D'accord? mais je ne sais pas si tu peux savoir de quoi je t'en ai parlé, mais j'aurais souhaité que ton épouse fasse la main. Tu ne dois pas la réveiller, il est à 23h dans 9 minutes. Non, là, pour ça, il n'y a pas de problème pour ça. C'est ça, tu es trop fort pour cela, pour la déranger. Je l'appelle rapidement. Non, ne l'appelle pas rapidement, mon frère. Laisse ton épouse se reposer. Tu sais qu'avec les enfants, c'est pas facile, non? C'est vrai. Mmh, et voilà, tu vois que finalement, tu dis c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Donc, suis donc le pourquoi il tente de parler, mon cher frère. Je ne te vois même pas, ta vidéo est fermée là. Non, elle est ouverte. Ah ben, c'est que c'est sûrement que ça ne va pas là. Donc, il y a le background, la façon de grandir. Je ne sais pas comment il pourrait dire cela en français. It is questionable. It is questionable. Tu comprends ce qu'il veut dire? Mm-hmm. Vous en avez parlé, vous avez déjà. Vous en avez parlé déjà de ces choses-ci. Je parle de. Le demain dont je parle, il y a quelqu'un qui a des enfants là, mais quoi que c'est. C'est le frère Benjamin qui allait accoucher comme ça. Ok. Donc il y a le c'est du côté religieux ça que je parle. Ce dont je parle, c'est du côté religieux, mon cher frère. Je comprends un peu donc. Non, frère, laisse pas. Attends, quand elle sera là, on va en parler, d'accord? Comme ça, tu vas lui répéter tout ce que j'ai dit. Veille seulement, écoutez. Souviens-toi de la maison en pierre noire. Donc, c'est comme ça. Cette maison s'est construite spécifiquement en pierre noire. Et puis, je vois entre les lignes, entre les pierres posées, c'est blanc. Donc, comme si c'est la chaux qu'on a mis au plan. Là, dans cette maison, il se passe des cérémonies religieuses. J'aimerais donc que ton épouse et moi, on en parle par rapport à ce qui se passe dans cette maison. C'est pour qu'on parle comment on a grandi, d'accord? C'est de ça dont il est question. Voilà. Donc, on va en parler. La sœur Valérie Camden, bonsoir. Et bienvenue. Non, bonsoir, ma sœur, bonsoir. Oui, ferme, ma sœur, ferme, bonsoir. Il y a des bruits là, c'est où ça sonne? Wow. Il fait chaud. Peut-être la soeur a mis le ventilateur. Ou bien. Alors, le frère Étienne, donc vous pouvez, si vous le permettez bien, c'est juste un détour avant de rejoindre la femme dans la sainteté parce qu'on est en récréation de ce côté-là. Ça ne vous dérange pas. Mais souvenez-vous que c'est pourquoi nous prions amènera les persécutions. Mais en tant que saint, on serait là préparé pour cela. Parce que le moment où le Saint-Esprit vient, après cela, c'est le symbole même des vous voyez, quand vous entrez dans votre territoire, il faut défendre le territoire. Parce qu'à ce moment-là, la frontière entre vous et l'ennemi est tracée. À cet instant-là, la frontière est tracée, les limites. Parce que souvenez-vous, la promesse a été faite à Abraham. Et Abraham, il a été dit qu'il ne peut pas mettre les pieds sur les frontières. La frontière-là délimitée sera donnée. Et c'est la promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité. Vous voyez cela? La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. La terre de Canaan, le symbole du Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit vient, vous avez vos limites. La limite maintenant, c'est la lumière et les ténèbres ne doivent pas se mixer. Maintenant, on peut jouer avec les ténèbres comme on peut faire, lutter un peu pour s'en sortir. Mais quand cette lumière est là, on ne peut pas faire autrement. Les combats internes, les combats de pensée, ça s'arrête. Là, il faut défendre le territoire. Mais ce qui est bien en ce moment-là, c'est que tout le ciel est avec vous. Tout le ciel endosse la responsabilité. Parce que vous ne pouvez pas vous perdre. Allemand de la sainteté, bonsoir. C'était juste pour vous dire, le combat sera rude, mais on est déjà vainqueur en partant. Sauf Frère Julien, avant que tu ne partes, je voulais te rappeler pour le songe avec le miel. Oui. Quand tu auras les temps. Oui. Si vous avez une pause de l'autre côté. Oui. Le miel et le miel que les gens mangent, n'est-ce pas? Voilà, les abeilles et les miels. Mm-hmm. Les songes, là. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Amen. Toi, c'est un bon songe. Tu fais ce moment. Oui, s'il te plaît. C'est la soeur Monique. La soeur Monique, ça, c'est Canada ici ou c'est quoi encore finalement? Monique, elle cherche quoi ici chez les Allemands? En fait, on vient juste pour la prière. C'est juste pour le temps de prière, mon frère. Ok, vous laisse donc prier, d'accord, ma soeur? Oui, mais en fait, j'avais juste une question. Non, mais après moi, je viens chez toi avec les femmes. J'avais juste une question. Oui. Et le lit, ça veut dire quoi? Comment? Elohim Nissiba. Elohim Nissiba. Je ne sais même pas si. Elohim Nissi. Elohim Nissiba. Wonderful. Il faut demander où est le frère Josué. C'est le frère Josué qui est en Israël, il est où? Oui, frère, je suis là. Oui, on dit que Elohim Nissiba, ou c'est Nissiba, ou c'est Nissiba Kofi, ou c'est qui là? Nissiba, frère, je ne connais pas l'autre là. Oui, l'autre là, moi, je ne connais pas. Il connaît Elohim Nissi. Nissi. Où est son Nissiba? Okay, c'est ça. Je me... Enfin, c'est quelque chose que je me suis retrouvé en train de dire dans les. Je sortais du rêve avec quoi. Mm-hmm. Oui. Courage, d'accord, ma soeur. Merci, mon frère. Le Seigneur. Le frère dit quoi? La main de Dieu veut dire quoi, par exemple? Le frère Josué, on dit comment tu appelles la main de Dieu. Donc, dis-nous comment la main de Dieu s'appelle. Donc la soeur Monique, si tu sors du rêve avec ça, suppose que tu étais dans l'intercession, d'accord? Tu étais dans l'intercession et là le Saint-Esprit te dit que Elohim est ta bannière, parce que Elohim Nissi, ça veut dire que le Dieu qui est Dieu est ta bannière, d'accord, en hébreu. Ok. Voilà. Merci. Mm-hmm. Oui, tu as parlé de la droite maintenant, de quoi? Tu parlais de quoi, ma soeur? Non, en fait, parce que quand je disais ça, dans le rêve, tu étais avec la sœur Albertine. Mm-hmm. Je sais qu'à un moment, elle voulait dire qu'elle était en train de te dire, je veux te voir. Tu lui as dit, non, reste concentré. Tu as dit ça en français. Mm-hmm. Après, tu as dit, c'est le moment. Elle s'est mise à parler, mais elle avait changé de langage. Elle parlait l'hébreu. Je sais que c'était l'hébreu, mais je ne sais pas comment, mais je sais que c'était l'hébreu. Ça arrive, ne vous inquiétez pas tout simplement. Le moment arrive. Restez justement concentré. Restez, que chacun reste dans les rangs. Ne quittez pas les rangs. Et ne permettez pas que quoi que ce soit vous pervertisse la pensée. Ne permettez pas que quelque chose vienne pour vous déjouer de cette trajectoire-là. Parce que l'ennemi va tenter de faire surface. Mais restez concentré là-dessus. Donc, comme mes soeurs et frères. Je vous aime. La sœur de la Roche, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous encore, le jour est en train d'arriver pour l'Église où nous allons expérimenter ce que les premiers apôtres ont expérimenté, véritablement. Quel jour merveilleux, mais ô combien délicat. Que le Seigneur vous bénisse. Puisse le Seigneur répandre son esprit sur nous alors. Viens, viens dans Jésus.